Micro ouvert. Les mots ont des... Oreilles. Ont des... Oreilles. Voilà, rencontre avec Patrick et Michel qui vivent dans leur caravane au jour le jour, tous les jours, quotidiennement. C'est un choix de vie qu'ils ont fait à deux. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est quand on réalise ce micro-over, eh bien on tombe aussi sur une revue qui s'appelle Wallonie Logement, des espaces à vivre. Et là, on apprend que ça va être de moins en moins accepté d'installer une caravane sur un terrain, voilà. Ça pose des problèmes. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que je lise le petit... écoutez, problématique. Souvent l'habitat permanent en zone de loisirs est une manifestation de la précarité et des difficultés sociales que vivent les ménages qui y recourent. Il révèle des situations problématiques liées à l'accès au logement et généralement à d'autres droits fondamentaux, l'éducation, l'emploi, la santé, etc. Et dans certains cas, il génère des difficultés d'existence qui compromettent l'épanouissement et l'intégration des résidents. Alors donc on va empêcher cette manière de vivre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on réfléchit de plus en plus aussi à un moyen alternatif de se loger, puisque ça devient infernal. Mais c'est toujours ça, comment le système met les choses en place. Donc on interdit ce moyen pour se loger, c'est-à-dire d'installer sa caravane sur son terrain, ce qui peut réduire les coûts aussi, hein. C'est un avantage. Mais pour ça, on est toujours vraiment dans un drôle de système, quoi, qui... Donc c'est on voit à disparaître cette manière. Donc si... voilà, moi je trouve ça... Et alors ce qui est souvent aussi qui va être de pair, c'est comme si l'éducation, l'emploi, la santé, ben ce n'est que dans les maisons qu'on peut trouver ça. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans leur caravane, qu'elle soit fixe ou mobile, eh ben il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de santé. Allez, tout de suite on s'écoute Michel et Patrick qui nous emmènent dans leur joli monde, et c'est vraiment un beau monde et des belles personnes. Voilà, rencontre. Ben, comment je vais me présenter? Je m'appelle Patrick, je suis monteur en charpente, voilà, et j'étais pas satisfait de la vie dans les maisons, et puis voilà. Quoi, ta famille à toi, ton père et ta mère, toute ta famille vivait dans des maisons, quoi. Voilà. À Nivelles. Voilà. Et puis, je sais pas, il me semblait que c'était monotone. Et puis, depuis que je suis tout petit, j'aimais bien les cabanes et tous les machins comme ça, quoi. Tu sais, les tentes d'Indiens, les yourtes, tout ce qui est mobile, en fait. Tu sais. D'ailleurs, souvent, même déjà tout petit, je prenais ma couverture, crac, j'allais dans le jardin dormir en dessous des arbres, quoi. Quand il faisait bon, hein. Tu vois, l'été. Tu vois. Ou prendre des branches, hein, comme un singe, là, tu sais. Comme les gorilles, là. Je te mets au-dessus de toi, tout ça. vraiment. Bah, on a tous fait ça quand on était gosses, quoi. Mais de là à passer sa vie. Ah ouais. Tu vois, il y a une marche, quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Il s'est rien passé. J'ai aussi fait une rencontre comme toi. Voilà. Tout en me posant la question, j'avais une femme. D'abord, on travaillait tous les deux dans une usine. Et sur l'année, on a mis à l'époque, je ne sais pas combien, moi, 200 000 francs en belle chaplace. Et on s'est dit, avec ça, on va se taper la France, l'Espagne, tout le bazar. Mais évidemment, avec 200 000 francs, tout le monde sait bien qu'on va pas loin. Arrivé à Madrid, il nous restait 1500 francs belges, il a fallu faire marche arrière. Et hop, on a remonté jusqu'à Agen, où on est tombé en panne d'essence avec un ancien fourgon VOE, là, des années 65-66, tu sais. Et on est tombé là en panne d'essence, aussi dans un camp. Comme ça, il y avait, je sais pas moi, une cinquantaine de caravanes. Et moi, j'étais tout désolé. Je me dis, qu'est-ce que je vais foutre ici, à 1200 km de Bruxelles, sans un bal, sans essence. Ben, j'ai rencontré un gars qui m'a dit, mais te tracasse pas. Tu viens avec nous demain, on va aller faire des betteraves dans les champs. Il y a des fermiers et tout à l'entour. Et puis, ils vont te payer tous les jours. Et puis, voilà. Et on les a suivis. Et puis, hop. Et depuis, vous vous êtes plus arrêté, quoi. On a plus arrêté depuis. Hein. Sauf quand même quelques années, quand on a eu les enfants, quand ils ont dû aller à l'école, tu vois, de 6 ans jusqu'à 14, 15 ans. Allez, à 8, 10 ans, on a pris une maison à Anderlu. Mais c'était vraiment pour mettre des enfants à l'école et toujours on était en contact avec eux, on était à Valenciennes, tu vois, parce qu'on a la dernière gamine, son parrain, c'est un Français. Tu vois, de Valenciennes, un voyageur français, tu vois. Et alors, bon, bah, c'était tout le temps les navettes, quoi. Quand c'était pas lui qui venait chez nous en Derlu, c'était nous, on allait là-bas. On avait un camion comme tu as maintenant, là, tu vois. Mais tout, un Mercedes, tout le long bazar qu'on a rangé nous-mêmes, et hop, ainsi. Dès qu'il y a du soleil, t'as la chair de poule, tu tournes en rond comme un fou, hein. Tu vois, comme maintenant, par exemple. Tu vois, le soleil arrive, on sort de l'hiver... C'est pour ça que tu les vois pas, hein. Ça va commencer. Hein. Tu les vois pas? Bah les enfants, tout le monde est sur la route, tout le monde va à droite à gauche, on en profite, tu vois, parce que après 2-3 mois ici, on en avait marre. Hein. Hein. C'est plus dur, c'est l'hiver, quoi. C'est pour ça que nous, la TV, par exemple, c'est très important. Les TV, les vidéos, les machins ainsi, tu vois. Pour passer l'hiver? Pour passer, ouais, les longues soirées d'hiver, quoi, tu vois. Et tu peux, enfin, vous pouvez vous présenter, madame. Vous êtes l'épouse de Patrick. Vous pouvez un petit peu vous présenter. Ben moi, je suis partout et je suis entièrement d'accord avec lui de ce qu'on fait. Et puis voilà. Vous vous êtes rencontrés comme ça. Alors vous avez bossé ensemble et puis vous êtes dit allez, on se casse avec une caravane ou une camionnette et boum. Vous ne comprenez pas qu'on devait se marier et puis jamais se voir sur une journée ou très peu, quoi. Sauf si vous travaillez ensemble. Mais moi, je me marie pas pour jamais voir ma femme. Moi, je sais que tout petit, ça m'a marqué. Tu vois, mes parents au travail, tu sais. Et puis nous... Les enfants un peu sur le côté. Sur le côté, livrés à eux-mêmes et tout ce que ça entraîne, quoi. Tu vois. Parce que alors, c'est pas toi qui élève tes enfants. Hein. Si toi, tu fais que travailler 8 heures par jour. Hein. Et le père, là-dedans, parce que dans ces années-là, c'était beaucoup ainsi. Hein. Tu sais, on travaillait chez Volkswagen, on travaillait dans tous les gros machins, là. Hein, on faisait les pauses. Tu sais, les parents, nous, on les a pas beaucoup vus, quoi. Et c'est malheureux, à ce moment-là, quoi. Tu vois. Et comme moi, j'ai quand même souffert de ça. Je voulais tout le temps être avec mes gosses, tu vois. J'ai fait la ferraille avec eux. Tu sais, quand je devais aller les mener à l'école, c'était vraiment pénible. Mais comme j'étais à l'école, je pouvais pas leur faire ça. Hein. Je pouvais pas en faire des arriérés, quoi. Tu vois. Hein. La famille était contre nous. Hein. Ils n'étaient pas d'accord hein, de ce qu'on faisait. Non. Il faut aller travailler, rentrer dans une maison. C'est rare qu'on ait eu de la sympathie venant de la famille, quoi. Tu vois. Au contraire. Bon, ils nous aimaient bien parce qu'on est quand même leurs enfants, mais c'était pas la voie à suivre, quoi. On aurait toujours été qu'un baraquis, qu'un bohémien. Hein. À leurs yeux, voilà, c'est comme ça. Tu vois. Même que. L'argent n'intervient pas dans le fait d'avoir le bonheur absolu, quoi. C'est pas une question d'argent dans la vie, hein. Trouver ton mec ou avoir des beaux enfants ou ci ou là ou c'est pas une question d'argent, hein. C'est vrai, hein. Voilà. Et puis c'est bien, moi je trouve c'est différent. C'est vrai que si j'avais plus de fric, je voyagerais plus parce qu'on a quand même ces contraintes de pognon de merde, hein. C'est vrai, hein. Mais voilà. quoi. Alors ça moi, fait... je ferais que ça. Hein. Je bougerais tous les deux jours si j'en avais les moyens, quoi. Hein. Mais c'est quasi impossible, tu vois. Tu bouges combien de fois, alors? Tout, ça dépend, c'est vrai. L'été, si on veut, on sait bouger toutes les semaines, ouais. On fait un grand tour, hein, l'été. Puisqu'on va dans la France, tout ça... Les autres, ils sont dépendants de leur grossiste, tout ça. C'est vrai, quand tu fais les ferrailles, t'es dépendant d'un grossiste, tu vois. Bon, moi, c'est ici à Charleroi, où je vais livrer mon fer, ou ici à l'entrée de Bruxelles, comment ça s'appelle là, à Lot. Ouais. Tu vois. Donc, je vais pas aller m'installer à Paris, vu que je vais livrer ma ferraille là, tu comprends. Hein. Mais ce qu'il y a, attends, c'est que vous avez commencé jeune alors, tout ça. Parce que tu dis que c'est quand on a commencé à bosser. Ouais. T'as quel âge maintenant, en gros? 48. Bah sur ces... De 20 à 48, ça fait quand même presque 30 ans, là. Et vous en sortez quoi de cette vie? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que... Comment vous voyez, par exemple... Allez, ça doit être un... Ça doit être une vie bien... Par rapport à toutes ces maisons qui sont installées, est-ce que vous êtes toujours bien reçus? Est-ce que... Comment ça se passe, quoi, au quotidien, le jour? Bah, je sais pas. Moi, pour moi, ça se passe bien. Par exemple, vous pouvez trouver des emplacements où vous voulez, il n'y a pas de problème? Non, c'est difficile pour se mettre. Tout de suite, oulala, au secours. Des fois, ouais. Ils viennent avec des mitraillettes, ouais, tout, ouais. Chasser en pleine nuit même. Ouais, c'est vraiment atroce. Qu'est-ce qu'on vous dit, en fait, à ce moment-là? De dégager, parce que qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, on nous dit de partir, et voilà. Et c'est quoi les arguments? Qu'est-ce qu'on vous dit comme raison pour laquelle vous devez partir? On ne peut pas stationner. Ou c'est intérêt privé, ou c'est à la commune, ou... Voilà. Il y a des camps spéciaux qu'ils disent. Ou alors aller au camping, ou si, ou là, toujours... Hein. Et ça vous a pas... comment on dit? Ça vous a pas... Merde, je trouve plus le mot. Ça vous a pas... empêché de continuer votre voyage, quoi? Non. Non. Mais des fois, c'est vrai que j'en avais marre. Hein, c'est vrai. Hein. Des fois, on en avait marre. On se disait, punaise, ils vont quand même gagner. On va quand même prendre une maison. Mais tu sais, une fois qu'on cherchait une maison, une semaine, ouais, deux semaines... Oh, on n'arrivait pas, quoi. Tu sais, on allait avec la boule ici. Ouais. Mais pour finir, ça ne s'allait pas. Hein. Alors, on ne le faisait pas, quoi. T'sais, parce que des fois, ça tape le moral, ce machin-là. Tu vois? Si ça dit personne qui te dit, allez, prends une maison, tout, tu seras mieux et tout. Tu serais bien, ta salle de bain, tout ça. On l'a déjà essayé. On n'était pas mieux, que du contraire. Alors, parce qu'on n'est pas habitué ainsi. Hein. Moi, je trouve qu'ils se prennent la tête vraiment pour n'importe quoi, les gens. Pour des conneries pas possibles, quoi. Oui, en plus, ils croient qu'on a froid l'hiver. Mais c'est le contraire. Moi, j'étais dans la maison là-bas, j'avais froid. Ici, j'ai jamais eu froid. C'est vrai, hein. Là. Et qu'est-ce que vous leur dites alors pour expliquer votre manière de vivre aux gens qui comprennent pas, quoi, qui vous leur dites quoi comme J'impose pas ma volonté, tout, je dis rien. Ils comprendraient pas, de toute façon. Non, je pense pas qu'on sait comprendre des trucs pareils. Non, je pense que. Donc même ma mère, elle me dit, moi je serais pas vivre comme toi. Oui, fois, moi j'ai dit je vais pas vivre comme toi non plus, je lui dis. Donc ils sont maso, quoi, ils habitent avec leur caravane quasi dans la boue alors qu'ils pourraient avoir une petite maison et être bien au sec et tout. Mais et quand tu te lèves le matin, que tu vois le soleil là-bas, t'as une vue, ma vieille, hein, des vues comme ça, il y en a pas beaucoup, hein. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas enterré, hein? Quand tu vas à Sainte-Barbe-Manivelle, toutes ces milliers de cages à poules là, tu te rends pas compte, toi. Si je vais là-dedans, je meurs, moi. Hein, je pense que je me laisserai mourir, à mon idée. Hein. Ou alors, faut que je l'ai décidé. Ah ben écoute, je deviens aveux, je sais pas quel âge, je suis à moitié impotent, la moitié de mes gosses n'ont pas suivi mon truc, alors, tu vois. Ça non plus, je voulais pas leur imposer ça, tu vois. Dans le regard, j'ai un fils qui est pompier à Besançon. Mon autre fille, elle s'est mise avec un petit-fils de fermier. Elle a acheté une maison sur les bords de Nivelles. Et elle est caissière dans un supermarché. Elle veut la sécurité, tu vois. Enfin, moi, je l'ai ressenti ainsi, quoi. Elle voulait la sécurité, du fait que nous, on n'a jamais eu de sécurité, quoi. Pour moi, elle a dû entendre, allez vite, dépêchons-nous, on n'a pas trop le temps, il nous reste que 100 francs belges ou 50 francs. Ça a dû la marquer quelque part, quoi. Hein. Alors que nous, ça nous fait ni chaud ni froid. Moi, du moment que j'ai 10 litres d'essence dans ma bagnole, que je sais au moins faire 50 km, ça va. Je sais bien que je vais parler avec des gens et puis je vais trouver de l'argent. Je suis sûr de moi à 90, je sais pas, 95%, 98%. Il faudrait vraiment avoir 30 mètres de neige et tout, ou un truc qui pourrait m'empêcher de sortir et d'aller, pas baratiner le monde, mais parler avec eux. Et voilà, je suis rémouleur, j'ai 10 couteaux, tout ça. Et puis, je sais pas. Vous avez dû rencontrer pas mal de gitans aussi alors sur votre chemin. Ah ouais. C'est comment sont vos rapports avec les gitans? Ils sont bons. Ouais. C'est un peuple, hein, c'est une culture tout à fait à part aussi. Je sais pas comment t'expliquer moi. Mais. Enfin, on saurait s'entendre avec. Je pense que. Enfin, moi j'ai ressenti ça ainsi. Avec eux, il y a un trop grand choc de culture. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont encore en 1800 ou en 1900. Tu sais, je sais pas comment t'expliquer ça. Ah, comment je vais t'expliquer? Parce qu'il y a beaucoup de gitans aujourd'hui qui choisissent aussi d'avoir. Enfin, ils sont presque obligés d'avoir des maisons. Et il y en a beaucoup qui se sédentarisent. Hein. Je sais qu'ils sont beaucoup nomades quand le beau temps revient. Ils refont Leur caravane dans des hangars, tu sais. Mais quand même, c'est vrai, mais c'est pour les papiers, c'est pour ci, c'est pour là, tu vois. Parce que regarde, même moi en tant que Belge, j'ai une carte d'identité qui est pourrie, qui n'est plus valable depuis l'an 2000. Et si je prends pas de maison, ils veulent pas me la changer, tu vois. Hein? Ah ouais, il n'y a rien à faire. J'ai pas de domicile, j'ai rien. Administrativement, à la limite, un de ces quatre, je vais toucher un chèque de je sais pas de quoi, je vais même pas savoir l'encaisser, quoi. Tu vois. Si je tombe sur un banquier qui a envie de me faire chier, ben regarde, tu vois. Même les poulets, ils me disent, mais tu vois, ils comprennent pas bien. Mais je dis, écoute, si je prends pas une petite maisonnette, il n'y a rien à faire. Si tu veux une nouvelle carte d'identité, tu es obligé d'avoir un domicile fixe. Tu es obligé d'avoir un domicile fixe. Hein. Tu vois? Tandis que ah ouais, en France, d'ailleurs, en France, il y a un truc, comment je vais dire, les gitans, les nomades, les voyageurs en France, ils ont un statut, quoi. Plus qu'ici en Belgique. Tu vois? Où est-ce qu'elle est la petite enveloppe avec la CAF là, pour que je montre un peu le logo ou un truc ainsi, tu vois. Et si tu veux, les CPS là-bas, ils domicilient ces gens-là pour pouvoir avoir des papiers, pour pouvoir les papiers des véhicules et tout. Quand tu veux dire qu'ils les domicilient, ça veut dire qu'ils ont une boîte aux lettres, voilà, et peuvent continuer à... Voilà, ainsi au moins ils ont des papiers, tout ça. Et avant d'ailleurs, eux, ils avaient même un carnet de circulation. Et ils devaient, chaque fois qu'ils bougeaient de place, aller tamponner à la mairie. Ça, c'était pour les suivre à la trace, quoi, en fait. Tu vois, c'est, à mon idée, c'est pour une histoire de... Hein. Enfin, soit, tu vois ce que je veux dire. Hein. Ouais. Tu vois, c'est un organisme, un AREA, tu vois. Hein. Alors, ce qui est aussi marrant, c'est que vous avez un pigeon dans votre caravane. Ouais, ça, c'est mon côté vétérinaire. Pigeon voyageur. Pigeon voyageur, ouais. Mais qui ne peut pas voler. Voilà, ouais. Et un furet aussi, que j'ai depuis 11 ans, je crois. Un petit furet, ouais. Hein. Non, on adore les animaux, nous, ouais. C'est. Hein. Il n'y a pas une poule aussi. Et j'ai une poule aussi, ouais. Bah ouais, c'est un truc qu'on m'a donné tout bébé, et puis voilà, quoi. Les bébés, moi. Hein. Je les boufferai, les bébés. Hein. Vous avez des super grands yeux bleus, hein, monsieur, encore bien brillants. Ah. C'est bien. Ouais. Ah bon, c'est si bien que ça. Bah ouais, moi je trouve que quand on avance dans le temps et qu'on a encore le regard qui brille, ben c'est une bonne chose. Hein. Ah, bon, d'accord. Vous n'êtes pas éteint, quoi. Non. Voilà. Ah, oui, le regard mort, quoi. Il a encore le regard pétillant. Mais c'est bien, le peuple de la route, il peut être bien, quoi. Mais il faut toujours, quand vous tombez sur des gitans ou des voyageurs et tout, il faut, enfin, même avec un Belge, de toute manière, vous faites attention. Parce que le tort que je leur reproche avec eux, c'est quand vous êtes trop gentil, ils vous pressent comme un citron, quoi. Donc, tu comprends? Parce qu'ils profitent de ta gentillesse, tu vois? Il faut faire attention. Mais ils vont pas venir profiter de ta gentillesse à toi s'ils ne te connaissent pas. tu vois. Ça c'est tout le monde, hein, ouais, ça. Voilà, c'est même les gens vois. Qui habitent dans les maisons. Ah ben, c'est ça que tu dis. Même un belge, c'est pareil, quoi. Si t'as affaire à un baratineur, qu'il soit belge, qu'il soit arabe, qu'il soit n'importe quoi, il faut faire gaffe, tu sais. Mais... Ouais, moi c'est parce que c'est une blague que j'ai eue, quoi, tu vois. Hein. J'ai voulu faire plaisir à un en lui mettant des trucs. Comment ? En lui mettant ses freins arrière, c'est quoi ? Ses amortisseurs ? Ses amortisseurs, ouais. Là, il a été raconté des bêtises, quoi, tu sais. Mais pas grave, ouais. Ça, c'est plutôt une affaire, une expérience personnelle, quoi. Ouais, c'est vrai. Même si on prête des outils ou quoi que ce soit, il les jette plutôt que de nous les rendre. C'est tout des détails. Il les jette ? Ah oui, oui, carrément, il les balance, quoi. On peut pas parler, on doit te laisser découvrir ça toi-même. Ouais. C'est ça le choc des cultures, ça intervient dans le choc des cultures, tu vois. Ouais. Tu vois, même s'ils ont des outils à 10 000 et que les enfants viennent jouer avec, le père il va pas engueuler ses enfants, tu vois. Tant pis si les outils sont perdus, tant pis s'ils coûtent 10 000, hein. Les outils vont disparaître. Ça c'est 9 fois sur 10. Quand tu as fini, tu peux ta bagnole, il n'y a plus d'outils. Ça c'est garanti sur facture. Bon, si c'est les tiens, tant pis. Moi, j'en ai fait les frais 2-3 fois, mais c'est comme ça. Il va pas crier sur ses enfants. Et tu sais, et moi, j'étais vraiment comme ça avec un. Hein, tu sais, ses enfants poussaient avec les miens, tout ça. Un type de Charleroi, mais j'étais un Hongrois. On les appelle les Hongrois. Tous ceux du nord de la France, c'est fort basané, là. On les appelle les Hongrois, c'est parce que ils viennent de Hongrie. Quand il s'est passé des événements en Hongrie en 1920 ou je ne sais plus. Tu sais, ils voulaient tous les cramer là aussi, hein, là-bas. Hein, tu vois, alors nous on les a recueillis, quoi. Enfin, la France, pas la Belgique. La France les a recueillis. Alors nous on les a appelés les Hongrois. Mais c'est des Roms, c'est des Gitans, quoi. Hein. Mais ils viennent de Hongrie. Et ben, qu'est-ce que j'allais dire avec eux, là ? Tu disais que t'avais ah, des oui, avec les outils, oui. Eh ben, je lui dis, écoute, allez, laisse pas tes enfants chipoter les outils, Poulika. Je lui dis, il s'appelait Poulika. Tu vois ? Enfin, il s'appelle toujours Poulika, d'ailleurs, parce qu'il vit encore. Et je lui dis. Renvoie tes enfants vers ta femme, je dis, ils sont petits. Nous, on chipote sur la voiture, ça peut être dangereux, fils. Hein. Hop, ça lui plaît pas. Ouais, mais nous, nos enfants, on les laisse chipoter avec les outils, tout ça. Bon, ça va. Je me prends la tête avec lui, je monte dans ma bagnole, je pars. Parce que je l'avais pas. Moi, je n'aimais pas ça. Je reviens, l'amortisseur s'était détaché de la voiture. Sa gamine l'avait pris en pleine tête. Fracture du crâne, parti à l'hôpital, tout tralala, quoi. Bah, moi j'étais mal à l'aise, quoi. Hein. Bah, c'est pas moi qui a détaché l'amortisseur. Je finissais de lui dire de ne pas laisser traîner ses enfants et justement ce truc-là est arrivé, quoi. Hein. Mais. Et alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, l'homme il m'en a voulu. Ah ouais. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que c'est là aussi qu'ils sont un peu arriérés, soi-disant que j'ai appelé la poisse en lui disant ça, quoi. Comment moi j'aurais pu appeler la poisse ? Hein. Voilà, ben, c'est pour. Voilà, alors je dis, ah, c'est comme ça, alors maintenant c'est terminé. Il faut plus me fréquenter parce que moi, je vais te dire, ne laisse pas tes enfants faire ça, c'est pour son bien, moi. Le bien de tes enfants, d'ailleurs, tu as eu la preuve maintenant. Hein. T'as détaché un boulon que tu connaissais pas, la gamine n'a pris en pleine gueule. Mais moi, mes enfants, regarde, il n'y en a aucun qui a pris un amortisseur dans la gueule. Hein. Tu vois ? C'est bête, mais. Mais moi, je voulais l'aider, ce garçon-là. Hein. Lui, il m'a aidé pour des autres trucs, donc je voulais lui donner ma connaissance, et lui, il m'avait refilé de la sienne, et puis c'est tout. Tu sais, c'est bête que ça a dégénéré comme ça, quoi. Hein. Pour un truc de fou ainsi, quoi. Un truc... Enfin, moi, je crois en Dieu, je suis catholique, mais... hein. On est le produit d'une évolution, puis c'est tout, faut pas se leurrer, hein. Hein. Le bon Dieu, il est venu, il nous a tous créés, avec un délai égo, peut-être. Hein. Allez, allez. Mais t'es obligé de dire amen à tout ce qu'ils racontent, hein. Surtout que maintenant ils sont en plein dans les pasteurs, les gitans, t'as vu, hein. Je sais pas, ils ont découvert ça, il y en a quelques-uns là. C'est des pasteurs, quoi. Toujours dans ces Hongrois là, hein. Dans ces Romanes là, qui viennent de Hongrie. Ça fait qu'ils baptisent les gens, tout ça, hein. Je sais pas quelle religion c'est comme les catholiques, mais évangéliques, je crois. C'est un pasteur qui va sur la scène et qui parle, et ça m'a l'air d'être un baratineur parce que, comme on voit la TV Les Noirs, là, t'as vu, hein, on dirait vraiment qu'ils sont en conversation avec le bon Dieu, carrément, hein, hein, hein. Parce que j'allais dire, vous n'avez jamais pensé comme ça, comme les gitans, ils sont en famille, en groupe, comme ça, avec le temps. De aussi vous regrouper, de vivre à plusieurs familles, de créer vous-même aussi votre petit clan. Exactement, ouais. Ouais. Mmh. T'as tout compris. Ça n'a pas marché. Mais si, mais moi c'est ce que je veux faire, quoi. Et ça va venir un petit peu à la fois, je pense. Ouais. Mmh. C'est quand même dommage que les autres n'ont pas suivi, quoi. Quels autres? Les autres enfants. Ah ouais, ouais, évidemment. Tu vois, ça aurait été bien. Enfin, j'ai encore une fille avec moi. Elle, apparemment, elle va rester. Mais on sait jamais. Hein. C'est... Mais ah oui, hein. Mais quand tu dis qu'elle va rester, elle va aussi s'installer comme vous en ouais, caravane. Je pense qu'elle va se balader, ouais. Elle se balade déjà avec nous, hein. Ouais, ouais. Ouais, elle aime bien, quoi. Elle, c'est son truc comme nous, ouais. Ouais. Tant mieux. Au moins, il y en a une sur quatre. Ouais. C'est pas trop, quoi. Hein. Mais d'un autre côté, je suis quand même content. Mon fils est pompier à Besançon, tu vois, parce que j'aime bien la diversité. Je voulais quand même pas à tout prix qu'ils fassent le même que moi. Si c'était pas leur goût, faut pas le faire. Moi, je suis comme ça, tu vois. Parce que moi, si je le fais, c'est parce que j'en voulais. Hein. Tu sais, parce que c'est vrai que des fois, l'hiver s'engasse. Une fois, j'ai poussé cette charrette dans sa neige, je dis. Mais ça paye. Hein. Parce que forcément, le bon Dieu, il va te récompenser, quoi. Si bon Dieu, il y a. Mais ce jour-là, la première ferme, le type, il dit, écoute, j'ai pas de couteau. Il dit, mais il m'a amené dans l'étable, il m'a donné un tuyau de plomb ainsi, hein. De la longueur de la caravane. J'ai touché 3000 francs belges il y a 20 ans, je m'en rappellerai toute ma vie. Dit. On a vécu la semaine avec ça, tu t'imagines. Il y a 20 ans, il y a plus que 20 ans, hein, il faisait moins 18 dans la caravane, tu t'imagines. Oui. Le gars s'avait gelé. 25 ans. Moins 18. Hein, elle était enceinte de la première gamine. Hein. Je te jure alors. Ah, aussi avec une Ford V4 comme t'as là. Hein. Oui. Ouais, ouais. Incroyable. Mais c'est des moments uniques, hein. Je te jure. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Parce que c'est ça qui est bien dans un sens, c'est l'aventure. Parce que chaque fois que je suis parti avec 200 000 ou avec 150 000, je me fichais chier à fond. T'as de l'argent, c'est pas pareil. Tandis que quand tu descends avec 200 euros à Sainte-Marie ou n'importe où sur la Côte d'Azur, t'as que 200 euros, crois-moi que tu dois faire aller ta cervelle. Hein. Hors de question de regarder la TV. Hein. Quoi? Quoi? Ben ouais, mais moi je me connais, je sais comment je suis. Alors tu sais, quand j'ai 200 sacs, il faudrait bien me mettre dans une brouette et aller me promener. Quoi. Hein. Ben ouais. Alors voilà, j'aime autant encore être quasi fauché, au moins je suis sûr que je dois bouger, quoi. Ouais. Ouais. Ah ça, vous avez goûté à ça alors? À la balade? Hein? Non mais c'est gay. Et c'est vrai que l'histoire du petit clan c'est encore mieux, tu vois. Parce que, et puis c'est bien, parce que bon, on n'est jamais... Il vaut mieux avoir trois cerveaux qu'un, quoi. Tu vois? Dans n'importe quel domaine. Hein? Mais c'est vrai que nous, on voulait toujours tout faire tout seul, tu vois, c'est bizarre hein, qu'on est ainsi, hein. Tu sais, moi je voulais toujours tout faire tout seul, même bagnole, tout, je sais pas, et je n'ai pas l'impression d'être un grand solitaire pour ça, hein, mais, je sais pas, tout seul, tu sais, sans l'aide de mon père, ou d'un prof, ou de quelqu'un d'autre, quoi, tu sais, ouais, ouais, par exemple, ouais, ouais. Ouais, entre autres, ouais, c'est vrai que ça a pris beaucoup de place aussi. Hein. Le fait de faire un truc avec sa femme, quoi. Tu vois? Enfin, vu que j'étais marié, hein. Tu sais. Parce que c'est vrai qu'il vaut mieux pas deux. Même un bon copain ou n'importe quoi. Hein. C'est toujours mieux. Vous avez pris le temps de vous connaître bien, quoi. À partager un petit espace. Il y a intérêt à bien s'entendre dans un petit espace pareil. Hein. Hein, c'est pas important. Il y a intérêt à bien s'entendre dans un petit espace comme ça. Hein. Oui, hein. Tu dois pas. Même que tu es un nerveux. De toute façon, tu peux aller t'énerver dehors. Hein. Bah oui. Hein. Bah oui. Hein. Quand tu vois les couples qui travaillent toute leur vie et puis alors ils se retrouvent à la retraite en face à face et ils supportent pas. Ils se connaissent pas. Ils se connaissent pas. Ils savent pas vivre ensemble. Et là au moins. Vous avez vraiment vécu votre vie. Avec les jeunes et tout, hein. Mais pour ça, on est tous bien rodés au niveau des nerfs. Hein. Hein. Ben qu'on prend tout assez calmement, quoi. Tu sais, on s'énerve pas parce que la fourchette a touché la tasse ou. Tu sais, enfin, moi je me souviens qu'elle a eu un beau-père, elle, pendant un moment. Un verre cassé, c'était vraiment. Tu t'imagines comme il était sévère, cette personne, dit. Hein. Bah d'ailleurs, elle n'est pas restée avec ce mec-là, quoi, sa mère, hein, évidemment, elle fout pareil. C'est vraiment l'intolérance totale, quoi. Hein. Ben évidemment, l'homme, il a eu 7 ou 8 gosses, il n'y a plus personne qui va chez lui. Hein. Hein, c'est malheureux, mais c'est logique, hein, on n'élève pas des enfants ici. Hein. Hein. Mais dans le fond, cette vieille histoire d'être ou nomade ou sédentaire, moi je me pose souvent la question, je me dis... Les voyageurs belges, ils ont même un journal. Hein. Tu savais? Non, tu savais pas. Hein. Le journal Les Voyageurs tape... Oh punaise, j'avais pas pensé. Tape la Gazette des Voyageurs belges. Non. Mais si on se voit encore, on se verra peut-être encore. Hein. Nous, on a encore ici au moins pour un mois, quoi. Pas ici, mais au camping. Hein. Le mec va venir me dire quoi demain? Eh ben, je te ferai voir. C'est quoi ça, Les Voyageurs belges? C'est un journal? Ouais. Qui raconte quoi? Qui raconte les baptêmes qu'il y a chez les voyageurs, tout ça. C'est un petit journal comme il y a les journaux régionaux, là, tu sais. À Nivelles, c'est Rive-Toudu, à Bruxelles, Le Vlan, tu sais. Et ils ont leur petit journal, quoi. Ici, tous les voyageurs. C'est un curé du côté de Nîmes qui imprime ça. Ben, c'est un truc, tu sais, c'est 4 feuillets avec quelques petits dessins. Tu vois, l'emblème des voyages, c'est les hérissons, tu vois. Le hérisson, ça c'est l'emblème des voyageurs. Ouais, je vais l'allumer, attends. Ouais, attends. On va attendre un peu. Et vous préparez quoi à manger, vous, madame? Moi, oh, je vais faire une purée. Avec... On va causer un peu avec vous, hein. Des escalopes de dinde et de la compote. Ça va, c'est facile de cuisiner comme ça sur deux petits réchauds? Oui, oh, ça commande. Non, mais bon, sinon ça va. Mais l'été, on fait dehors. Plus. Ouais. Évidemment. On a un petit réchaud qu'on met là. C'est mieux. On prend mieux le soleil. Mais alors, vous avez suivi votre mari, quoi. Ouais. Et ça va, vous regrettez pas? Ah non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Belle, je dois mettre le moteur. Allume une bougie 2 secondes, je dois le remettre là-bas. Comme j'ai lessivé tantôt, il a dû mettre le moteur là-bas. Ah ouais. Maintenant, il n'y a plus de lampe dans l'autre caravane. Ça va, il y a besoin d'un coup de main? Non. Ah ouais, ok, la bougie pour couper tout et être dans le noir. Voilà. Ça va prendre 2 minutes. Bon, ouais, bah, tranquille, hein, nous. Ouais, bah, c'est marrant parce que c'est vrai que... Ouais, ouais, ça fait drôle, quoi. D'être comme ça dans sa roulotte. Ouais, c'est quand même. Hein. Je trouve pas ça bizarre. Pour moi, c'est normal. Quoi. Moi, ça me semble bizarre, c'est d'être dans une maison maintenant. Et... Enfin, mais quoi, qu'est-ce qui vous semble bizarre dans la maison? C'est d'être figé? Ou ouais, bien de le même truc, les mêmes voisins, le même paysage. Je sais pas, moi, ça. Je sais pas. Même qu'il y aurait salle de bain, tout, je m'en fous, quoi. Je préfère ici. Bon, il y a des gens qui disent comment vous faites sans salle de bain. On sait être aussi propre que sans salle de bain. Quoi. C'est pareil. Hein. C'est moyen de... Mais voilà. Ouais. On trouve une petite cuve, on met de l'eau dedans et on savonne un peu partout. Oh, on avait déjà fait un montage de douche dans le truc, là. Dans la caravane. Oui, avec une pompe électrique qui emmenait l'eau au-dessus. C'était bien, tout un moment. Après, on a laissé tomber parce que ça prenait trop d'eau. Là-bas, quoi, en fait. Il en met du temps, lui, pour mettre le courant. Maintenant, vous avez des habits tout propres. Ouais. C'est vrai. Mais enfin, c'est toujours les petits vêtements qu'on s'est lavés. Mais les draps, les housses de redon, tout ça, c'est obligé d'aller au lavoir. C'est trop, trop dur, ça. Tu en sors? Ah ouais, t'inquiète. Mais au départ, on peut se demander si... L'être humain, il n'est pas au départ un nomade, quoi. Si c'est pas dans sa nature profonde, et puis qu'en voulant s'installer comme ça, c'est la sécurité, le confort, le contrôle, mais qu'au départ, c'est pas dans sa vraie nature. En tout cas, ça marche pas avec. On sait bien qu'on pollue beaucoup plus en étant aggloméré dans des villes, tous ensemble. On n'est pas en phase avec l'élément. Hein. C'est beaucoup mieux. T'as bu mon café, Noémie? Non. c'était le mien. D'habitude, je ne fais jamais un souper à cette heure-ci, mais... C'est à cause de nous ? Un peu. Moi, un peu, mais c'est pas... Moi. Là, ben, c'est bien. En fait, nous, on vit comme ça avec Noémie quand on part. On est encore parti pas plus longtemps que 15 jours en mobilhome. Mais bon, on est aussi dans un petit espace comme ça, et voilà. C'est chouette, hein. Nous on aime bien, c'est vrai. Hein. Mais ouais, parce qu'on a l'impression de vivre tout à fait son propre rythme, d'être vraiment au quotidien appelé par notre route, quoi. On va rencontrer telle personne tel jour, et ben ça va être la personne qu'il faut rencontrer. Enfin, le fait d'être en mouvement, d'être autonome aussi, autonome, on n'est jamais entièrement autonome, mais de pouvoir vraiment décider comme tu veux, bah tu bouges là, bah t'as des emmerdes avec quelqu'un, c'est pas grave, tu pars. Tandis que si t'as des emmerdes avec ton voisin, bah c'est pas les mêmes enjeux, quoi. Dans la maison qu'on avait, j'ai eu des emmerdes avec la voisine, je demande la paix, c'est tout ce que je demandais. Elle venait me faire chier, dire qu'elle a voulu l'écraser sur son trottoir, tout. Elle était tout le temps partie aux flics, inventer des trucs, cocheter des crasses sur son trottoir, tout. Non. Tandis qu'ici, il y a quelqu'un qui nous embête à côté dans la caravane, tout ça, on accroche, on est parti. Et voilà. C'est peut-être comme ça qu'il faut faire après tout. Mais en étant figé dans des maisons, c'est moins facile. Hein. Voisine, hein. Tu peux être pollué par une vilaine voisine. Hein. Nous, on a eu Anderlu. On a une voisine vraiment atroce, quoi. Et comme c'était une femme qui était née là-bas dans le village, elle connaissait tout le monde. Donc automatiquement, nous, on était les mauvais. Tu vois, vu qu'on venait de l'extérieur. Hein. Mm-hmm. Et en plus, avec le nom de bohémien, vu que sur le terrain, c'était des caravanes, des ferrailles, des ci, des là, tu vois. Alors, je te dis pas. Hein. Ça fait mauvais genre. Hein. on se rassied par là pour terminer, ouais, ou quoi, ouais. Terminer un petit coup. Mais c'est vrai que la terre, elle tourne là. Hein. Mais le meilleur des peuples pour moi, c'est les Manouches, tu vois. De ceux des voyages, quoi. Ouais, les Manouches, les Français, tout ça, tu vois. Les Manouches du midi, tu vois. Parce que eux, ils mettent des jeans et tout, tu vois. Parce que les Hongrois, eux, mais c'est des formations professionnelles. Hein. C'est un petit peu d'après les métiers, tu vois. Parce que les Manouches, ils font souvent les marchés, donc ils doivent s'habiller comme les gens, être simples. Vu que, tu vois, mais les Hongrois, eux, ils travaillent avec les garagistes, avec les gros marchands de bagnoles. Alors c'est toujours costume, cravate, grosse voiture, stand-in aussi, comme les ceux plus riches, là, tu vois. Mais il y a beaucoup de frimes, hein, là-dedans, parce que même les gens dans les maisons, les patrons d'usine, il y a des gros frimeurs, là-dedans, hein, tu vois. Ils ont la belle grosse bagnole, mais ils ont les paquets de traite aussi, il faut pas croire, hein. Tu sais, mais... Et alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, il y a les Yougoslaves, c'est un peu des deux, hein, c'est mélangé. Hein. Il y a aussi de ceux qui s'habillent en costume cravate et qui ont des métiers plus ou moins spéciaux. Et il y a aussi de ceux qui... Ils vivent beaucoup plus à l'extérieur, à eux. Et d'ailleurs, ils font tout. On est tombé sur des Yougoslaves qui faisaient même leur pain dans la presse et tout. Ouais. Hein. C'était vraiment chouette. Ah, mais... Ça. Je l'ai rencontré sur le roi, ouais, dans les caravanes, alors. Dans les caravanes, oui. Hein. Alors, une tôle ondulée, tu sais, ils font le feu dessus. Et puis ils font leur pain dans les braises sur la veille ondulée, quoi. Et quel pain, ouais, c'est, franchement. Alors là, ouais, c'est vraiment. Là, il venait de là-bas quand il a eu la guerre, tu sais, allez, en Yougoslavie. Donc ils en ont profité pour cavaler à ce moment-là où ils ont été chassés avec tous les événements qu'on a vus, évidemment, parce qu'il s'est passé des drôles de trucs aussi là-bas. Ben, donc ils sont habitués à vivre avec pas grand-chose, quoi, et de se débrouiller. Avec ce que t'as quand t'arrives sur une place, quoi. Tu vois, t'as qu'un clou et une pince, ben tu dois prendre ta pince et t'en servir pour un marteau. Tu vois, parce que t'as pas toujours tout pour... Enfin, tu comprends. Hein. Ouais, hein. Moi, j'avais juste une question, et alors je l'avais oublié, mais voilà qu'elle revient. C'est vous, madame, parce que monsieur, c'est Patrick. Hein. Oui. Patrick, toi, tu sors dehors, tu travailles à la ferraille, tu rencontres d'autres gars, d'autres hommes. Mais vous, madame, dans votre univers comme ça, comment ça marche pour vous? En fait, moi j'ai toujours travaillé avec lui. On a toujours été partis ensemble et tout. J'ai toujours tout fait avec lui. Mais depuis qu'on a le petit là, c'est fini, quoi. Le petit, c'est... Le petit de ma fille. Ouais. Donc je dois le garder, elle va travailler, et puis voilà, quoi. Et lui fait ses trucs. Voilà, on a toujours pris les enfants avec, aussi petits qu'ils ont été. Ouais, ouais. temps, jusqu'à 6-7 ans, jusqu'à temps qu'après ils allaient à l'école. Mais ils venaient avec nous dans le camion, même tout petit ainsi. Hein. À la sortie de la maternité, direct dans le camion, et hop, dans les fermes, les ferrailles, dans les garages, tu sais, directement tout petit. Et tu vois que c'est bizarre, regarde, ça n'a pas eu l'impact voulu, quoi. Pour moi. Tu vois, moi je me dis, ça y est, ils vont tous se lancer là-dedans. Puisque, eh ben non. Tu vois, c'est vraiment bizarre, hein, comme quoi... Ouais. Mais vous n'avez pas eu envie d'apprendre à lire et à écrire à vos enfants vous-même? Ça ne vous est pas passé par la tête? Bah franchement, je ne sais pas si nous on aurait eu ce manqué de temps, franchement, ouais. Temps? Oui, parce qu'on a vendu des voitures et ça prenait vraiment le temps. Des fois, 11h au soir, minuit, on devait aller voir une voiture ou aller acheter une voiture et ce n'était pas possible. De tous ces événements là pendant 20 ans, parce que tout ça, ça a été fort excitant, hein, pour nous. Tu sais, pendant. Il n'y a que 10 ans qu'on est plus ou moins calmé, quoi. Mais. Quoi, c'était quoi l'excitation? L'excitation de tout, quoi. Tu sais, le fait de venir des maisons, de tomber chez des gens hein, comme ça, parce que nous, on a tout découvert comme tu es en train de découvrir maintenant, si tu veux, mais carrément avec eux, quoi. Tu sais, tout ça, ça fait une excitation, ça déclenche de l'adrénaline, hein, faut pas croire. Hein. Hein? Et puis on est avec eux, allez, plus ou moins des fois dans tous les plans, quoi. Tu sais, hein? L'excitation aussi, tu sais, des fois on allait dans les usines et puis on chargeait sans rien demander, quoi. Tu sais, il y a une dizaine d'années, hein? Hein? Quand il faut, hein? On est là, il y a 17 gosses sur la place, il y a 10 euros. On ne sait pas nourrir 17 gosses avec 10 euros. Donc il faut qu'on trouve un camion de ferraille. Ça, il n'y a pas le choix. Ça, lui, il fout ça dans une benne, le gros patron. Si tu vas lui demander, il ne va pas te les donner. Hein? Parce qu'avant, on a été demandé d'abord, hein? 3-4 fois. Hein? Il ne veut pas nous les donner, ben allez, par ici. Hein? Mais c'est toujours dans les cas extrêmes. Hein? Tu sais, bon, ce truc-là, on l'a fait une fois ou deux, quoi. Hein? Parce qu'il fallait, parce que les événements avaient fait qu'on avait pété la bagnole, on n'avait plus rien, on avait dû emprunter pour se remonter. Tu vois, ça c'est le hic quand tu voyages ainsi, des fois. Tu peux pas casser quelque chose de trop conséquent, tu vois. Mais si tu as des bons amis, il n'y a pas de problème. Les gens ne te laissent pas comme ça sur la route, tu sais. Moi je trouve cette aventure géniale, quoi, parce que tu t'es là dans ta caravane, tu vis dans ta caravane, tu rencontres des villages, des bleds, et là-dedans, ben, ça vous est pas venu à l'idée, enfin, toi tu as plutôt développé l'aspect vendre des voitures, la ferraille... Mais de faire du porte-à-porte et de demander aux gens, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire là pour avoir un peu de sous en échange de... C'est arrivé ça? Non, c'est pas vraiment arrivé, non. Non, mais ça aurait pu, c'est vrai que... C'est parce que bon, moi ça me suffisait ce que je faisais, quoi. Ça me contentait personnellement. Tu sais, même après l'aiguisage, là, tu vois. Ça me suffisait, donc il n'y avait pas de problème, quoi. Mais sinon, je suis sûr que ça... Je me demande d'ailleurs s'il y en a pas de ceux qui l'ont fait avec couper les pelouses et tout des machins ici là. Il est arrivé des Parisiens ici, hein, ils ont passé l'hiver ici, pas cet hiver-ci, l'hiver passé. Ici sur le parking ils étaient à beaucoup, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Ici à Ronquière, ils étaient au moins 50 caravanes. Hein. Tous des Français, des manouches justement, tu sais, ceux qui font les marchés, qui font... qui mettent en couleur les trucs des gens, hein, tous des machins ainsi. Ouais. Moi, j'aime pas fort, moi, tu sais. Hein. Mais c'est vrai que s'il avait fallu, je l'aurais peut-être bien fait aussi. Hein. Mais je suis sûr que ça marcherait d'ailleurs, franchement. Je suis sûr. Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à faire. Et puis, de toute façon, quand tu as bien décidé de travailler, tu trouves toujours du travail. Moi, je le dis. Je suis sûr et certain. Quand tu es vaillant assez que pour travailler, à mon idée. Ouais. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé quoi faire. Franchement. Ça a été vraiment sur 30 ans aussi. J'ai peut-être taxé une fois ou deux. Mais, hein. C'est vraiment rien, quoi. Hein. Pour moi, c'est rien, quoi. Hein. Franchement, quand tu vois qu'il y en a ceux qui ne font que ça, ou des escrocs en col blanc qui arrangent tous les gens avec leurs assurances, j'ai l'impression de rien avoir à me reprocher à ce niveau-là, quoi. Hein. Vous n'avez jamais pensé à plutôt aller vers le soleil? Plutôt que la Belgique. On va bientôt y aller. Hein? Ouais. Ouais, je ne crois pas qu'on tiendra 2 mois, mais le mois prochain, on va cavaler. Ouais. Parce que c'est quand même plus agréable d'être en relation avec l'extérieur, avec du soleil. C'est plus facile à vivre, quoi. Ouais. Ah ouais, mais tu m'expliquais aussi que c'était à cause de tes boulots ici, t'avais des contacts et... Non, mais même. C'est parce que je connais plus de monde ici, si tu veux, tu vois. Il y a la famille. Pour moi, c'est pour ça que je retombe souvent par ici, tu vois. Enfin, par ici, Nivelles, quoi. Hein. Mais... Mais ton père aussi vient d'être opéré. Ouais. Ouais, cette fois-ci, c'est à cause de ça, évidemment. Ouais. Ouais. Ben, moi, j'attends ça, de toute façon, un mois que je cavale. D'ici, on va aller à Meaux, tu vois, on sait déjà où on va aller. D'ici, on va aller à Meaux, à 30 km de Paris, tu vois. Parce que là, on avait rencontré deux mecs, là, l'autre fois, ils étaient bien sympas, tu vois. Hein? Un type qui traîne un sourd-muet, tu vois. Ça n'a rien à voir avec les gens du voyage. Hein? Un sourd-muet qui travaille à Disney. Ouais. Il fait Balou, là, tu sais. Et il nous expliquait, donc, dans son langage... Parce qu'il parle mal du fait qu'il est muet de naissance, c'est ça qu'il expliquait. Hein. Ouais, alors, il sait pas comment on doit faire pour parler, mais il était vraiment super sympa, le mec. Il nous a fait rigoler là-bas, je te jure. Hein. Eh ben, ce jour-là, on avait eu un problème de pneus, hein, on était découragés. Vraiment comique, quoi. Hein. On a été tourné dans des démolisseurs, on ne trouvait pas de pneus, on était désolés pour la caravane, parce que c'est du douce, c'est pas courant, quoi. Hein. On était désolés, tout ça, et puis à 4 heures, quand on a trouvé le pneu, tout ça, on voit le mec passer, il parle avec nous, hein, rigoler vraiment comme un fou, hein, comme quoi il y a toujours pire, hein. Tu sais, on est là à se lamenter pour une histoire de pneu, hein, et le garçon, il était vraiment heureux, pourtant il était sourd-muet, mais il était heureux à péter aussi, crois-moi, hein. Ouais. Est-ce que Patrick et comment encore Michel, est-ce que vous voyez quelque chose d'essentiel à dire que vous n'avez pas dit, quelque chose d'important mais en sachant tout de suite, non. Sachant que les gens vont entendre et peut-être vous en profiter là pour faire mais qu'ils ne mettent pas tout le monde dans le même sac, surtout ça c'est très important pour nous. Quand vous voyez quelqu'un avec une caravane, bon bah si peut-être vous n'avez pas envie de faire la démarche et tout, mais dites-lui bonjour, essayez un peu de savoir ce qu'il fait. Ne le mettez pas directement dans un créneau, c'est un voleur, ou c'est ci, ou c'est là. Faites l'effort d'aller lui parler. Hein. Ou de le surveiller 2-3 jours, vous verrez bien ce qu'il fait. C'est pas sorcier, si c'est un ferrailleur, vous allez le voir, il va manipuler de la ferraille. Si c'est un aiguiseur, vous allez voir une charrette, il n'y a pas de problème. Ou si c'est un mec qui fait les marchés, vous allez voir de la marchandise. Tu sais, des machins de marché, des ceintures, des ci, des là. Parce que... Parce que ça vous dites depuis les années 90, il est venu beaucoup des gens avec des plaques allemandes de trucs et eux, ils nous ont fait beaucoup de tort. Parce que depuis les années 90 jusque maintenant, c'était encore plus dur. Directement, tac, j'étais en voleur. Mais plus qu'avant, quoi. Avant, c'était de temps en temps, hein, tu sais. Bah alors, ça se voyait pas dans la masse. Mais là, maintenant, c'est 9 personnes sur 10 qui disent j'étais en voleur et c'est casse-balle, quoi. Tu sais, parce que c'est vraiment qu'une petite partie. Et c'est toujours les mêmes, il suffit de regarder, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes avec leurs plaques allemandes, et c'est toujours les mêmes, quoi. Hein. Il y a 2-3 familles qui sont spécialisées, et ces gens-là tournent ici en Europe, en France. Ils suivent les touristes de la Côte d'Azur et d'Espagne, tous les ans, pour les plumer. Et puis, mais ces gens-là, c'est à la limite d'être des mafiosi, des machins ainsi. Tu sais, ils sont sur la route aussi, mais nous, on les fréquente pas plus que ça, quoi. On leur dit bonjour, au revoir et c'est tout. Parce qu'on est amené à se voir sur des places, sur des terrains où tout le monde se met. Donc forcément, un jour ou l'autre, on va se rencontrer, quoi. Mais... Bon, ben lui, c'est son métier, tant mieux pour lui. Hein. Hein. D'être mafiosi. Ben oui, c'est ça, c'est ça le métier, c'est ou ça que tu dis. Tant mieux pour lui ou tant pis, ça dépend comment il s'en sort, quoi. Mais... Voilà. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a, il y a des clans comme ça, il y a des bandes, enfin des clans où c'est des mafiosi, alors ça a une mauvaise image sur voilà, vous qui vivez... Sur les autres, ouais. Ouais, ça déteint sur nous, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Alors on a eu beaucoup plus de difficultés, parce que alors on se met aussi à la place de la police, tout ça, c'est vrai. Quand il y a des gazis qui arrivent dans le village, c'est normal que les gens ont peur. Dans les 24 heures, il y a tout qui disparaît aux alentours, toutes les affaires des gens, tout ça, alors c'est logique aussi. C'est vrai ça, ou bien tu exagères un peu, quand tu dis que dans les 24 heures, il y a tout qui disparaît. Ah ouais, c'est la vérité ça, hein. Ah ouais, ça se voit direct, hein. Bon, maintenant, c'est vrai aussi qu'on est tombé sur des places où les gens des maisons profitaient pour aller aussi faire quelques menus larcins parce qu'ils savaient bien que c'était les autres qui allaient être accusés. Ça s'est aussi passé. Mais quand il y a affaire à ces clans-là, hein, là, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, la police le sait bien. Ils le voient directement dans les 24 heures, 48 heures. Il y a toutes des petites bricoles qui cavalent et ça, c'est ceux-là, quoi. Tu sais. Il y a les bons et les méchants, alors. Il y a les bons et les méchants. Ouais, voilà. Il y a les bons et les méchants. Ouais. Et vous êtes des bons ou des méchants? Pour nous, on est des bons, nous. Hein. Ah ouais, ça, c'est clair. Hein. Ouais, nous, on est des bons. Ouais. Allez. Là, eux, c'est des voleurs. Déjà, eux, ils visent quoi? Des gros paquets d'argent. Nous, c'est déjà pas notre but. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une belle vie, se balader, et puis voilà, et rencontrer plus de gens sympas, quoi. Hein? Et là, on entend le ronronnement du groupe électrogène. Il faut pas chercher midi à 14h. Hein. Le bonheur, il est des fois pas loin. Hein? Voilà, ça, c'est ma petite phrase. Hein? Moi, j'ai pas. Non. Okay. Ben merci. Hein. Non, merci à vous deux. On se fait raccord et il y a sûrement des trucs qui vont revenir un petit peu là. Thank you. Voilà, voilà, voilà, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. Et ben, la semaine prochaine, en fait, ce sera la fille de Michel et Patrick. Ouais, Tatiana, en fait, voilà. Et Tatiana, elle aussi, elle a décidé de vivre en caravane. Voilà, ce sera la suite de l'histoire. À la semaine prochaine. Ouvert les mots ont des oreilles. Thank you.